vous les charmer. Vos sourires nous attirent, nous désarmer. Vous les anges adorables. Et nous sommes, nous les hommes, pauvres diables. Avec des milliers de roses, on vous entoure. On vous aime ça, le dire, on vous le prouve. On se croit très fort, on pense vous connaître. On vous dit toujours, vous répondez peut-être. Oh, vous les femmes, vous mon drame. Vous si douce, vous la source de l'âme. Pauvre diable que nous sommes. Vulnérables, misérables, nous les hommes. Ouais. Pauvre diable. Pobre diable, pobre diable, mamma mia, pobre diable, de que notre bouchure y en a tant dansé, à jouer plus ou moins bien indifférencé. On fait tout pour se calmer, puis on éclate. On est fous de jalousie et ça vous flatte. Oh, vous les femmes, vous les chats, vos sourires nous attirent, nous désarment. Pauvre diable que nous sommes, vulnérables, misérables, nous les hommes. Pauvre diable. Pauvre diable, pauvre diable, pauvre diable. Dès que notre mouchourie on a tendance à jouer plus ou moins bien les différences. On fait tout pour se calmer, puis on éclate. On est fou de jalousie et ça vous flatte. Si douce vous la source de nos larmes. Pauvre diable que nous sommes, vulnérables, misérables, nous les hommes. Pauvre diable, pauvre diable.